Déjà averti, mon comparé, dites-moi avec qui. Only God can judge me. Le rap game, fucking air. J'arrive sur du lourd, appelle-moi Ice Superman. Tu connais pas ma name. L apostrophe artiste numéro 1 sur ta prochaine tracklist. Tu jalouses, ouais, tu es trop mou, ouais. Monde dans mon vide, je te demande comment je fais, ouais. L apostrophe est trop vrai. Les jaloux m'écoutent et disent ce mec qui c'est. M comme Marignane, M comme Monopole, M comme L apostrophe artiste. Dis-moi pourquoi tu es deck. T'as la réussite mais t'as aussi l'échec. Arrête de me prendre la tête. Tu fais pas le poids donc le rap arrête. À ce qui paraît faire du rap est à la mode. Mais quand je prends le mic trop de monde je mets à la main. Appelle-moi rap maker. Elle apostrophe un putain de rap rap maker. J'veux de la monnaie à la Jérôme qui revienne. Que des bons plans qui tombent dans mes oreilles. Qui perdent de temps tous ces jaloux qui me portent. Ils devraient s'occuper de leur musique au lieu de s'occuper de la mienne. Flow classique équipé AMG. Universal Warner ou Sony BMG. Pour signer moi j'suis prêt, j'suis vrai. Musicalement sur la plaque tournante j'te mets au courant. Tout comparé au grand pour moi c'est grave valorisant. La jury composé un truc chez Foulec. Si c'est pour dire que des conneries la musique arrête. Ils sont dead alors qu'ils n'ont même pas commencé. À quoi ça sert de jacter sur des trucs que t'as pas fait. T'as fait pour l'avenir c'est mieux que charbonner. Affolé par le matériel, le bon sens, peu de personnes sont abonnées. Tu me connais? Non, alors dis-moi de quoi tu te mêles. Mon son burns a une longueur d'avance. Appelle-moi bon, tu sais si je suis là c'est pas grâce à la chance. Du talent derrière le personnage. Rap maker, nigger, les beatmakers sont encore en rodage. Prends le mic, c'est la hola hola. Envie de me tailler d'ici, envoie-moi le vol pour Bora Bora. Envie de marquer les esprits comme Emile Zola ou Michael Jackson un jour. Pourquoi pas? En plein d'elle, mon rap en plein zèle. T'as plein d'elle, moi la réussite j'vais rouler d'elle. Elle est trop belle avec son déhanché. Ils veulent me clasher à moi dégager. Dis-moi pourquoi tu es deck. T'as la réussite mais t'as aussi l'échec. Arrête de me prendre la tête. Tu fais pas le poids donc le rap arrête. À ce qui paraît faire du rap est à la mode. Mais quand je prends le mic trop de monde je mets à la main. Appelle-moi rap maker. L apostrophe un putain de rap rap maker. C'est pour le hip hop que je milite. L apostrophe artiste. Personne peut me stop dans ma musique. J'espère un jour percer de faire mon rap un classique. Les gens me disent Nordine franchement psychique. C'est pour le hip hop que je milite. L apostrophe artiste, personne peut me stop dans ma musique. J'espère un jour percer de faire mon rap un classique. Les gens me disent Nordine franchement psychique. Dis-moi pourquoi tu es deck. T'as la réussite mais t'as aussi l'échec. Arrête de me prendre la tête. Tu fais pas le poids donc le rap arrête. Yeah. Mais c'est qui ce mec là? L apostrophe rap maker. Yeah. Yeah.